là, phrygien, là. Thank you. Oh, comme tu vois que ça t'intéresse, je t'explique là. Je t'explique, Ben. J'ai pas envie d'écrire. Écoute. Écoute, je vais t'expliquer. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Quand t'arrêtes de jouer, tu fais silence, je t'explique. Pour apprendre les modes, c'est pas compliqué. T'apprends la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comme ça, tu connais toutes les notes. Sur ton clavier et sur ta guitare, tu peux connaître toutes les notes. Si tu pars de Do, c'est le mode ionien. Si tu pars de Ré, c'est le mode, le mode dorien. Donc, tu pars de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Si tu pars de Mi, tu pars de la tierce de la gamme de Do. Donc, tu pars du Mi, c'est un Mi phrygien. Et ça fait Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est toutes les notes de la gamme de Do. Donc, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Tu joues en Mi phrygien, mais avec un, l'accord, ça sera un Mi mineur septième qui va aller dessus. Par contre, ce qu'on fait, nous, en néoclassique, pour faire une tension, on joue, donc, la tierce, en majeur. Et donc, dans ce cas-là, la tierce de Mi, il faut jouer le Sol dièse. Parce que si tu joues un Sol, ça fait si tu veux, le Mi Sol, ça va faire une tierce mineure. Si je joue Mi Sol dièse, ça va faire une tierce majeure. Et donc, comme ça, mon Mi, il devient majeur. Et ça devient Mi, Mi phrygien dominant. Donc, et donc, tu peux jouer ça. Et donc, c'est toujours dans la gamme de Do, parce que tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si tu mets Sol dièse, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La, Sol dièse, La. Ça fait la gamme harmonique de La mineur. Donc, au lieu de jouer en La mineur, tu joues en La mineur harmonique, ça crée une tension. Et donc, le La mineur harmonique, c'est les mêmes notes que le Mi phrygien. En La mineur harmonique, on part de La, et en Mi phrygien dominant, on part de Mi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est qu'il faut pas se mélanger les doigts sur le manche, et puis il faut savoir passer d'un mode à l'autre. Quand tu es en La mineur harmonique, tu pars de La, et quand tu es en Mi phrygien dominant, tu pars du Mi. Et si tu es en La mineur normal relatif de Do, donc c'est La mineur, c'est le mode aéolien, donc c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est les mêmes notes que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sauf qu'on part de La. Et quand tu es en Mi phrygien normal, la gamme espagnole que tu aimes bien, et ben tu pars de Mi. C'est Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu rajoutes un Sol dièse, ça devient une gamme harmonique, et donc quand tu pars de Mi, ça devient un phrygien dominant. Voilà, c'est ça le truc. Le problème, c'est qu'il faut switcher dans sa tête très vite d'une gamme à l'autre, quand ça change les accords. Si t'as compris, c'est bon, je coupe le micro. Là, tu vois, en partant de Mi, là, je te fais le Mi phrygien normal, et je plaque un accord de Mi mineur septième derrière, et ça sonne très bien. Ça, c'est un Mi mineur 7, et tu fais les gammes du phrygien, tu vas voir. Là, c'est mineur. Quand c'est comme ça, c'est phrygien tout court. C'est phrygien tout court. Maintenant, si je joue Mi majeur, là, je change tout. Tu sens le sol dièse? Tu sens le sol dièse quand tu passes en majeur? Là, c'est du phrygien dominant. Et donc, ça fait que si je joue en La mineur, je suis en La mineur harmonique. Après, en néoclassique, on fait beaucoup ça. Et en plus, quand tu joues avec cette tension, tu peux jouer en diminué, tu peux utiliser les gammes diminuées, tu peux te balader sur le manche comme tu veux. Thank you. Je suis en fa dièse phrygien dominant. C'est ça? Ben, c'est toi qui m'apprends. Hein. Mais en fait, je triche parce que j'ai le diagramme devant moi. Là. C'est du boulot, hein. Putain, faut apprendre tout ça. Ouais, mais si tu réfléchis, t'emmerdes pas à apprendre toutes les tonalités. Pas bête. Moi, j'ai appris que la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ce que j'ai appris, que j'ai appris de conservatoire de clarinette, tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, déjà, t'as 7 notes, ça fait 7 modes. T'as Ionan, Dorien, Phrygien... Tu as lydien quand tu pars du fa, tu as le mixolydien en partant du sol, et l'aéolien en partant du la, et le locrien en partant du si. Déjà, ça te fait 7 modes que tu peux jouer sur chaque accord qui arrive dans une, comment dire, une progression d'accords modal. Donc déjà, tu peux faire plein de phrases. Maintenant, on peut créer des tensions sur les tierces, sur les quintes. Sur les quintes, on fait plein de choses. Et on peut partir, après, quand tu pars en mineur harmonique, dans le mineur harmonique, quand tu as le sol dièse qui se pointe, ça te fait 7 nouvelles gammes encore. Tu vas avoir du phrygien, tu vas avoir du phrygien dominant, tu vas avoir du la mineur harmonique, le ionian, il va devenir, donc avec le sol dièse, il devient avec une quinte augmentée, donc ça devient un do avec une quinte augmentée, donc si tu veux, ça fait de plus en plus de choses, quoi. Et donc tu joues, et puis ça donne une coloration, ça joue pas comme les autres, ça fait différent, et ça paraît plus juste. Et c'est pour ça que quand tu connais l'harmonie, c'est plutôt... les accords qui doivent accompagner une mélodie que l'inverse. Parce que bien souvent, on met une batterie, on plaque 4 accords en boucle et puis on essaye de faire quelque chose dessus. Mais c'est plutôt l'inverse. Il vaut mieux avoir une mélodie et plutôt avoir les accords qui vont sur la mélodie. C'est différent. Et c'est comme ça que les grands compositeurs écrivent, que Malmsteen, c'est un grand compositeur.